Je voudrais que nos doutes s'effacent, que nos cœurs se sentent à leur place dans nos bars. Chercher toujours cet idéal, atteindre les cimes sans escale avec toi. Ne jamais effacer la trace de nos corps à corps qui délassent nos émois. Sans cesse jouer des intervalles, ne pas mettre de point final à nos joies. Que nous reste-t-il à dire qui ne soit inutile? Les belles promesses à tenir ne sont pas si faciles. Parfois quand nos peaux se hérissent, le creux de nos désirs se tisse de remords. Envie et nos joies futiles vont s'évanouir dans de stériles désaccords. Toutes ces idées qui se bousculent dans nos têtes, serons-nous assez forts pour braver les tempêtes? Unir à jamais les fils ténus de nos deux destins. Mon amour est aux quatre sans bout, les hématomes au garde à vous, c'est la guerre. Se moque fort du raisonnable, de la méchanceté misérable de nos gestes. On laisse aller nos déraisons, on dresse nos points de suspension, nos défenses. Je tentais pas dans l'escalier, il ne faut pas me retourner demain. Est-ce ainsi que notre histoire passionnée se termine? Passe, dis-moi à qui profite le crime. Une armée de fantômes défile dans ma tête. Les laisser seulement jusqu'à ce que tout s'arrête. Calmer ces démons contre lesquels nous ne pouvons rien. Et quand l'un de nous touche la corde sensible, c'est un gouffre qui s'ouvre dans nos vies fragiles. La douleur en habit de haine qui s'abîme en nos seins. Dans le téléphone et j'acquiesce. Je veux encore être ta fête, tenir ta main quand tu t'inquiètes et t'aimer encore une fois.